se reste perdu dans l'enfer de cette lueur. Aucune envie me prend de soulager leur douleur et leur peur. Ils ont bien trop agi en utilisant cette politique de la peur. Mais comptent-ils ces hommes à la place du cœur? Leurs âmes se restent perdues dans l'enfer de cette lueur. Aucune envie me prend de soulager leur douleur. En utilisant cette politique de la peur.